Frères et sœurs, je vais commencer par un message traditionnel de paix. Salam alaikum. Un salut musulman que le candidat n'hésite pas à brandir à chaque début de meeting. Quand dans d'autres villes, certains auraient pu trouver cela risqué, Sadiq Khan, lui, en est convaincu. À Londres, la multiculturelle, les électeurs sont prêts à faire de lui le premier maire musulman d'une capitale occidentale. I'm deeply humbled. Je ressens une profonde humilité par l'espoir et la confiance que vous avez placés en moi aujourd'hui. J'ai grandi dans un quartier de logements sociaux à quelques kilomètres d'ici. Sadiq Khan s'affiche en musulman libéral et féministe. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un comme moi puisse être élu maire de Londres. Au printemps 2016, Sadiq Khan a été accueilli par beaucoup comme le symbole de la réussite du pluralisme à l'anglaise. Ce serait pas possible à Paris, vous pensez ? Je suis pas encore prêt. Je sais pas, on est quand même attaché à son identité. On se compare un peu tout ça maintenant, c'est un peu dommage. Beaucoup de Français ont trouvé cela scandaleux. Je pense qu'un maire musulman, c'est dans un pays musulman, et dans un pays catholique ou laïque, on met un maire catholique ou laïque. Mais Londres n'est pas l'Angleterre. Quelques mois après l'élection de Sadiq Khan, une partie des Anglais ont trouvé un moyen de se venger de leur capitale. Lors d'un référendum qu'on a appelé le Brexit, ils ont voté pour faire sortir le Royaume-Uni de l'Union européenne. Comment t'expliquer l'Union européenne, cher Ouzbek ? Tu peux peut-être t'imaginer une sorte de super-empire où les États sont volontairement réunis autour d'un idéal politique et surtout économique. Je sais, ça paraît un peu compliqué, cher Ouzbek. Si je te raconte cela, c'est parce que tout le débat autour du vote pour faire partie ou pas de l'Union européenne s'est focalisé sur le multiculturalisme. Il y avait ceux qui étaient pour, comme la plupart des électeurs de Sadiq Khan, et ceux qui étaient contre. Interesting. So I'm just trying to explain it to the French. Je vais essayer d'expliquer le Brexit aux Français. I'm trying to explain it to the French. I don't know. Celui qui pose les questions, c'est Mike Carter, un écrivain voyageur qui travaille pour le prestigieux journal The Guardian. So we're heading out of Walsall now. On quitte Walsall. We're heading out of town now. Il revient dans la ville de sa jeunesse, Walsall, au cœur des Midlands, au centre de l'Angleterre. C'est l'une des villes qui a voté massivement pour le Brexit. This is the leather museum. Là, vous voyez le musée du cuir. Walsall, became very rich on Walsall leather. S'est enrichi grâce au commerce and they still du cuir. Make queen's saddles. C'est à Walsall que l'on fait encore la sellerie de la reine. J'étais à la fac ici entre 83 et 86, il y a 30 ans quand même. Ça a beaucoup changé, bien sûr. J'essaye de m'imaginer à quoi Walsall aurait pu ressembler comme Mike était étudiant il y a 30 ans. Peut-être qu'il n'y aurait pas eu ce grand centre commercial à ma gauche. Peut-être que l'on verrait plus de gens dans les rues. Mike me dit que cette ville a un taux de chômage qui est deux fois plus élevé que dans le reste du pays. Quelque chose d'étrange me fait sentir comme si on m'avait floué. Je pensais voyager en Angleterre, l'un des pays les plus riches du monde. Mais mis à part les beaux bâtiments de l'époque victorienne, il n'y a rien de glorieux. Les immeubles délabrés sont à vendre. Et il n'y a quasiment personne dehors, à l'exception des trois petites rues piétonnes au centre-ville. We're walking down Park Street, nous sommes sur Park Street, main shopping street now. La grande rue commerçante de Walsall. Ce qui m'a frappé quand je suis revenu à Walsall après 30 ans donc, c'est le nombre de personnes qui marchent avec une canne ou alors des déambulateurs. Et ces personnes-là ne sont pas forcément âgées. Hein. Il y a une corrélation entre la pauvreté et les problèmes de santé. Et on voit de plus en plus d'infirmes, et c'est lié à la pauvreté dans ces villes post-industrielles au cours des dernières décennies. Ici, vous voyez un groupe de jeunes qui boivent des canettes de bière très fortes. Il est quoi, 14h30? Et on voit ça dès le matin. Là-bas, il y a des magasins de vêtements qui sont alloués. Vous voyez tous ces gens-là, 14h30, 15h, on est quoi, mercredi? Qu'est-ce qu'ils font là? Ces gens ne travaillent pas en tout cas. Journée ensoleillée à Walsall. Okay, so we're just by Walsall bus station now. Là, on est à la gare routière de Walsall. Que dirige ma sœur? Customer representative. Hello. In the office upstairs. Would that be all right? En 1979, lorsque Margaret Thatcher a été élue, j'avais 15 ans. Et jusqu'en 1997, nous avons eu un gouvernement conservateur. Je lisais sur le visage de mes parents une grande déception. Dans les années 40 et 50, ils avaient des idées, des convictions qui se sont effondrées. En 1981, 2 ans après l'élection de Margaret Thatcher, elle était le chef de gouvernement le plus impopulaire qu'on ait jamais connu. Les chiffres étaient accablants. Le chômage était passé de 1 million à 3 millions de personnes. À mesure qu'elle imposait ses politiques économiques, les usines tombaient en déliquescence. Le gouvernement ne pouvait plus soutenir l'industrie. Son économiste en chef disait, il faut garder la foi. Et il faut tenir bon. Puis par la suite, c'est le libéralisme économique qui redressera tout ça. Donc elle a été très impopulaire en 81. Il y a un fort clivage dans notre pays. Et mon père, avec le TUC, le grand syndicat, a décidé d'organiser cette marche de protestation entre Liverpool et Londres, des hommes au chômage, donc, qui ont lancé cette grande marche. Mon père était maçon. Il était à la tête du syndicat UCAT, syndicat du bâtiment. Pour cette marche, ils ont donc marché de Liverpool. Ils ont traversé le cœur industriel de l'Angleterre, Manchester, Stoke-on-Trent, où il y avait la sidérurgie, les mines de charbon, et c'était le centre mondial de la poterie, Cannock, Walsall, Coventry, en dehors de Birmingham, là c'était le centre automobile de la Grande-Bretagne. People's March for Jobs. That was the slogan for a huge crowd of demonstrators who descended on London at the end of May. Marche de protestation pour l'emploi, 1981. There was no doubt about the support given to the job marchers when they reached Wolverhampton in the industrial West Midlands, midway through their journey to London. Nous ne pouvons pas accepter la responsabilité pour des choses qui n'ont rien à voir avec la politique du gouvernement. Margaret Thatcher, nous devons nous concentrer sur la réduction de l'inflation. Parce qu'on ne peut pas créer du bon travail en ayant plus d'inflation. Parce que ceci créerait encore plus de chômage et encore plus d'inflation. Je n'ai pas participé à cette marche avec mon père. Je m'intéressais aux filles. Je m'intéressais à boire. J'étais ado, moi. Smashing up colleges. Faire que des bêtises au collège, c'était un cauchemar. Je suis née en 62, donc j'avais 19 ans. J'étais déjà mère, je venais d'avoir ma fille, et j'étais mère au foyer. J'ai accueilli les marcheurs. Ils étaient sur la route de Waynesbury. Et c'était incroyable. On les a vus arriver en haut d'une colline. Vraiment, ça, j'étais bouleversée. Je m'approchais de ce groupe. Et je me suis dit, c'est extraordinaire ce qu'ils font, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est triste. Qu'est-ce que c'est triste qu'ils doivent en arriver là, marcher des centaines et des centaines de kilomètres pour montrer au gouvernement que sa politique ne marche pas. Alors, à la fois, c'était extraordinaire, mais c'était triste. Est venu accueillir avec des sandwichs au bacon. Son mari n'a pas les mêmes points de vue politiques. C'était un grand secret. Et ça fait que 3 semaines qu'on lui a dit la vérité. Il se trouve que j'étais avec Mike dans la cuisine, on était en train de parler, et on reparlait de ces fameux sandwichs, et mon mari ne m'a pas parlé pendant 4 jours. On n'avait pas d'argent à l'époque, mais comment tu as pu aller acheter des sandwichs pour 350 personnes? Je n'ai pas de réponse, j'avoue. Ça l'a un petit peu perturbé. Hein. Il n'était pas très content, mais bon, c'était il y a plus de 30 ans. Ajouter à ce qu'a dit Sue, il y avait une forte participation des minorités ethniques, notamment des femmes. Les Sikhs sont intervenus, grande communauté Sikh à Walsall, ils étaient là, ils soutenaient ce mouvement. Et il y avait donc ce vocabulaire commun pour lutter contre cet ennemi commun. Ils sont arrivés à Londres le 30 mai 1981 avec une pétition signée par 250 000 personnes. Et Margaret Thatcher a refusé de les rencontrer à Downing Street. Elle a rejeté la pétition, elle n'a même pas voulu les rencontrer. Et ils se sont réunis à Trafalgar Square, donc 250 000 de personnes. Our father died. En 2011, notre père est décédé. Wasn't the greatest father in the world. C'était pas le meilleur père au monde, hein, faut bien le dire. C'était un responsable politique. Étincelant, par contre. On ne se souvient pas très bien de lui en tant que père, parce qu'il était très souvent absent. Il était sur la route en train de faire valoir ses convictions. Lorsqu'il est décédé en 2011, Sue et moi, enfin, je parle en mon nom, hein. Nous avons dû retravailler notre relation avec lui, en quelque sorte. Il y a eu des funérailles avec tout un tas de discours formidables. Et puis par la suite, moi, je ne savais plus trop où j'en étais par rapport à lui en tant qu'homme. Et je me suis dit que 35 ans plus tard, ce serait très intéressant d'emprunter les pas de mon père. Au nom de l'Angleterre, just to see what was happening. Pour prendre le pouls de notre pays. Uzbek, Mike Carter a marché près de 330 km à pied, sur les pas de son père, de Liverpool jusqu'à Londres. C'était à la veille du fameux référendum pour sortir de l'Union européenne. Toutes les villes ouvrières qui votaient jadis à gauche étaient pour le Brexit. Et donc contre le multiculturalisme. Il y a 2-3 mois, au mois de mai, je suis arrivé à Walsall dans le cadre de cette marche. Et en arrivant dans cette rue où nous sommes maintenant, j'étais choqué par le spectacle que l'on voit aujourd'hui. Vous voyez tous ces prêteurs sur gages, tous ces dépôts ventes, les signes visibles de pauvreté à droite, à gauche, partout. Je demandais aux gens dans la rue s'ils allaient voter pour ou contre le Brexit. D'une seule voix, ils m'ont dit « On veut quitter l'Union européenne ». Quand je leur ai demandé pourquoi, ils m'ont dit « L'immigration ». Ils voulaient qu'on leur rende leur pays, voilà ce qu'ils disaient. Lors de cette marche en 80, il y avait 26 haltes où les marcheurs se sont arrêtés. 19 de ces 26 lieux ont voté pour le Brexit. À Walsall, 68% pour le Brexit, des gens de 65 à 70 ans. Donc vous voyez, il n'y a pas photo. Donc c'était pas difficile de trouver des gens en faveur du Brexit pour quitter l'Union européenne. Les gens étaient fiers d'ailleurs de me le dire. C'était un mouvement politique. On va partir, on va quitter l'Union européenne, on va récupérer notre pays. Une espèce de ferveur comparable à celle de mai 68 à Paris. Le temps du changement est venu. Et vous, monsieur, vous avez voté quoi ? Out. Quitter l'Union européenne. Le plus choquant à Walsall, Uzbek, c'est effectivement de voir la misère et de faire face à des gens que la vie et la pauvreté ont visiblement usés. Des corps déformés et des bouches édentées que l'on n'a plus les moyens de soigner. On voit des blancs, comme des personnes issues des ex-colonies britanniques, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh, les Caraïbes. Tous sont pauvres. Mais à la limite, et je ne devrais peut-être pas te le dire si crûment, c'est moins étonnant aux yeux d'une Turque comme moi. Ce qui m'étonne à Walsall, c'est de voir autant de pauvres blancs. Un sentiment de honte m'envahit. Je me rends compte que dans mon imaginaire de Turc rêvant de l'Europe puissante, les Anglais blancs ne pouvaient pas être aussi pauvres que les immigrés. Et je suis encore plus honteuse quand je réalise que cette pauvreté des Anglais blancs me touche beaucoup plus que celle des Roms qui dorment dans les rues de mon quartier parisien. Comme si cette pauvreté des immigrés, j'avais appris à la trouver normale. Les gens du Remain menaçaient les populations des villes comme Walsall. Ils disaient, si vous quittez l'Union européenne, ce sera bien pire pour vous. Lorsque je leur ai demandé, ils disaient, pire, pour rigoler, c'est impossible. On n'a rien à perdre, nous, ici. Regardez autour de vous, rien à perdre. Je comprends au fur et à mesure que Mike Carter aussi se sent un peu comme un touriste ici. Alors que sa sœur est restée dans le coin, lui a fait sa vie à Londres et ne revient pas souvent. Le journal pour lequel il travaille représente l'élite de gauche par excellence, à tel point qu'on appelle l'élite en question « The Guardian Reader ». Aujourd'hui, moi aussi, je fais partie de cette élite métropolitaine prétendument déconnectée. Mes collègues au Guardian sont allés dans les meilleures écoles, à Oxford ou à Cambridge, par exemple. Et ces gens-là, ils ne connaissent personne de la classe ouvrière. Ils sont totalement, enfin, je ne devrais pas dire totalement, mais ils sont considérablement déconnecté de la réalité. Mes collègues, ce sont des gens qui disent « Eh bien, nous savons ce qui est mieux pour vous, vous voyez ?» Et moi, au contraire, j'ai grandi dans la classe ouvrière, des gens très éduqués qui connaissaient la musique classique, qui avaient lu les grands écrivains, des gens intelligents. Et entre-temps, il s'est passé quelque chose. La classe ouvrière en Grande-Bretagne a été étiquetée par l'élite politique comme étant raciste, des bigots, des gens imbéciles, une espèce de masse informe dont on doit s'occuper éventuellement. Mais quand on vient à Walsall ou quand on va à Stoke-on-Trent ou à Liverpool et qu'on passe du temps qu'on discute avec ces gens-là, on se rend compte que les gens les plus intelligents qu'on va rencontrer, eh bien, sont justement dans la classe ouvrière. Mais leur voix a été inaudible pendant 35 ans. On les a ignorés, ces gens-là. Et le 23 juin, eh bien, je crois qu'on a vu la conséquence. On n'a pas voulu les écouter. Lors de ma marche au mois de mai, quand je suis passé à Walsall, attendez, on va aller par là. Ce que vous voyez là, c'est typique de ce que j'ai vu dans toutes ces villes anglaises post-industrielles, des bookmakers et puis des prêteurs sur gage. On peut vous prêter de l'argent pendant une semaine si vous déposez votre montre. Au bout d'une semaine, il faut que vous remboursiez le prêt, évidemment avec des intérêts. Et tout au long de cette rue, c'est la même chose. Des bookmakers, des prêteurs sur gage. Et un phénomène récent, donc ces prêteurs sur gage. Donc, plutôt que d'acheter quelque chose, on vous donne de l'argent qu'on vous prête à court terme, mais le taux d'intérêt peut être de 2000%. Si évidemment vous remboursez en l'espace d'une semaine, le pourcentage est faible. Et les gens pauvres se servent de cet argent pour payer leurs factures d'eau ou d'électricité. Évidemment, les grandes banques ne leur accordent pas de prêts. Et cette activité que je vous décris là est en plein essor. Mais si on ne rembourse pas au bout d'une semaine, eh bien le taux d'intérêt devient astronomique. On vous raconte des histoires de gens qui empruntent 100 livres et qui finissent par devoir 5000 livres parce que les intérêts augmentent de façon exponentielle. En France, quand même, on n'a pas eu Thatcher. L'État, même s'il se désengage beaucoup, notamment dans les territoires ruraux, il reste un petit peu présent. Et vous n'avez pas, par exemple, des prêteurs sur gage, en fait, qui demandent des taux de remboursement mirobolants. Vous n'avez pas ça dans les villages en France, dans les petites villes, même dans les territoires industriels sinistrés en France, on n'en est pas là. Cher Ouzbek, je t'ai beaucoup parlé des différences entre le modèle anglais et le modèle français. Mais en fait, sont-ils si différents ? Par contre, vous avez effectivement des dossiers de surendettement qui se montent, des conseillères en économie sociale et familiale, moi j'en ai rencontré qui me parlent justement de la hausse des crédits et des surcrédits avec des taux qui sont impressionnants, mais qui ne sont pas encore dans les proportions en fait de l'Angleterre. Lui, c'est Benoît Coquart. Pour son travail de recherche, il est revenu dans son village natal, en Haute-Marne. La Haute-Marne est un département qui, historiquement, est de droite. On est sur les terres du général de Gaulle, Colombey les deux églises. C'est un département qui a eu des bastions communistes, notamment dans le nord industriel, mais qui massivement vote à droite, qui est un département avant tout rural. Et aujourd'hui, en fait, tout se passe comme si le vote à droite se transformait de plus en plus en vote pour l'extrême droite. C'est le département de France qu'on quitte le plus entre 18 et 35 ans, sans y revenir par la suite, notamment parce que il n'y a pas assez de travail pour tout le monde et parce qu'il n'y a pas d'université. Je m'étais intéressé au départ au petit déclassement symbolique en fait, qu'avaient subi certains des personnes que je pouvais côtoyer à l'école ou ailleurs autour de moi et qui en fait étaient plutôt populaires lorsqu'ils étaient jeunes, plutôt valorisés, qui avaient tout de conforme à leur milieu social et qui se retrouvaient à l'âge d'entrée sur le marché du travail assez désemparés parce que entre-temps l'usine dans laquelle bossaient leur mère et leur père, elle avait été délocalisée, là en l'occurrence elle avait été délocalisée en Asie. Donc c'est qu'est-ce qu'on fait en fait quand le travail disparaît et quand tout le petit monde sur lequel reposait la reproduction des classes populaires auparavant est en train de péricliter. Et toute l'idée de ma thèse, que j'ai appelée Sauver l'honneur, le titre Sauver l'honneur, c'est justement d'arriver à être respectable et de ne pas passer pour un feignant, pas passer pour un assisté. Et il y a différentes voies pour y arriver. C'est-à-dire les jeunes qui héritent d'une petite entreprise ou dont les parents sont déjà stables, ceux qui ont eu un travail très tôt, qui sont en couple, qui font d'une famille rapidement, qui sont propriétaires de leur maison, ils n'ont pas beaucoup à batailler pour être respectables. C'est-à-dire ils ont un statut social que tout le monde peut reconnaître. Les autres, qui sont en précarité, qui jusqu'à 30 ans vont accumuler les petits boulots, vont essayer de travailler au noir, mais c'est compliqué parce qu'on leur fait peu confiance, même dans le village, pour travailler au noir. Ceux-là, en fait, ils auront tendance à faire ce qu'on appelle en sociologie une sorte de retournement du stigmate, ou alors à renvoyer en fait le stigmate sur les autres. C'est-à-dire que j'ai entendu des paroles assez violentes sur justement l'assistanat, ou sur cette catégorie qu'on reprend au quotidien, c'est les cas sociaux. Alors qui est un cas social ? Ben, c'est l'autre, quoi. C'est celui d'à côté de chez vous. Qui ne travaille pas, ou qui est censé moins travailler que vous. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est un discours qu'on entend surtout chez les précaires, qui eux-mêmes sont critiqués, peuvent être insultés de cas sociaux par des gens qui sont plus stables qu'eux. Et c'est ça qui est frappant, c'est de voir en fait si les ouvriers, les employés, tous les jeunes précaires qui accumulent des petits boulots partagent en fait les mêmes conditions d'existence et sont amenés à travailler dans les mêmes endroits, etc., ils vont se fréquenter. Par contre, en lien avec le discours qui est proposé dans les médias, ben, vous pouvez entendre chez des gens précaires une certaine fierté d'être français, un certain patriotisme comme ça qui va être sur le mode « oui, ben moi, au moins je suis français ». C'est-à-dire « au moins, il me reste ça ». C'est C'est étrange, Usbek, ce sentiment de sauver l'honneur. On le ressent beaucoup à Walsall. Je m'appelle David, j'ai 41 ans. Je vis à Walsall avec ma compagne. On n'a pas d'enfant. Notre chien est notre seul enfant gâté. Je vis à Walsall depuis 12-13 ans. Ma compagne est d'ici. On est heureux. Je viens de Birmingham. Ma mère est de là-bas. J'y ai vécu pratiquement toute ma vie. J'ai voté pour le Brexit. Les gens ressentent une perte de contrôle dans leur vie. Moi, je ne veux plus que l'Angleterre fasse partie de l'Union européenne. Qu'on reste dans le libre-échange comme on l'a fait, ça me semble une bonne idée. Mais là, on ne contrôle plus nos frontières, notre économie, et ça ne s'améliore pas. Les gens se sentent exclus de la politique. Ils ne se sentent plus écoutés. Vous voyez le vote. 17,5 millions de personnes ont voté pour sortir de l'Union européenne. C'est plus de voix qu'aucun gouvernement a reçu dans l'histoire. Les gens veulent quelque chose de différent maintenant. Est-ce que tu hésitais ou bien est-ce que tu savais d'emblée ce que tu allais voter? J'étais sûr de mon vote depuis le début. Je fais partie d'une vieille génération qui a vu les choses changer depuis des années, alors que les jeunes sont habitués à faire partie de l'Union européenne depuis toujours. Le problème, c'est l'immigration. Moi, j'ai été témoin de la crise bancaire de 2008. J'ai vu des pays européens comme la Grèce qu'on a vraiment fait souffrir. Je crains que dans l'avenir, si on reste dans l'Union européenne, la prochaine crise soit pour nous. Et tu nous parles de changements au cours de ta vie. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vu à Walsall? Ça revient à l'immigration. Il y a eu beaucoup de changements. Comment dire sans avoir l'air méchant? J'ai sans doute vu la partie la plus pauvre de l'immigration. Beaucoup de gens qui... Désolé, je cherche juste les bons mots. J'ai rencontré beaucoup d'immigrés, ils n'ont pas l'air intéressés par le travail. Il y a beaucoup d'alcooliques, des indésirables quoi. C'est ce que j'ai vu depuis les 10 dernières années. Nous, on est un pays de l'immigration, mais ces 10 dernières années, c'était énorme. Après 2004, les chiffres étaient incroyables. L'Irlande et l'Angleterre n'avaient aucune restriction à l'immigration. Non. Qu'en pensais-tu? C'est fou. Il faut contrôler l'immigration. On voit maintenant en Europe, en Allemagne par exemple, ils sont allés encore plus loin. Ça divise la société. En France, il y a le Front National. Alors que la France est un pays tolérant, quasiment socialiste. Voir ça en France. Je n'aimerais pas de ça en Grande-Bretagne. Nous, on est l'un des pays les plus tolérants du monde, je pense. Je n'aimerais pas que l'extrême droite gagne du terrain. Si les gens veulent venir ici, travailler dur, ils sont les bienvenus. On peut accueillir plein de gens, mais on ne peut pas avoir une politique de porte ouverte. Ça divise la société. Mais on ne peut pas parler de tout ça sans être pris pour un raciste. C'est pourquoi je suis un peu nerveux là. Je ne veux pas être dépeint comme un raciste. Je ne suis pas raciste. Il y a quelque temps, je regardais une émission avec Andrew Green, qui était en charge d'une association pour surveiller l'immigration. Il y avait un débat. Il a juste mentionné un chiffre concernant l'immigration. Et le ministre travailliste a dit « Bon, nous n'allons pas rentrer dans un débat raciste ». Je me suis dit « Quoi ?» Pourquoi il l'accuse d'être raciste? Il était juste en train de parler. C'est nécessaire de parler de certaines choses. Si on n'a pas de débat ouvert, les gens vont se diriger vers ces partis d'extrême droite. Et on ne veut pas de ça. Il faut qu'on puisse débattre. Le Brexit, c'était ça. Les gens ont finalement trouvé une question sur laquelle ils pouvaient avoir un avis qui compte. Mais les gens veulent être écoutés. Ils veulent reprendre leur vie en main. Personne ne sait si finalement l'Angleterre pourra vraiment sortir de l'Union européenne. Mais en sortant de chez David, je t'avoue, Ouzbek, que la question tourne de plus en plus en rond dans ma tête. Comment se fait-il que la France et l'Angleterre, qui ont eu des politiques si différentes par rapport au pluralisme, se retrouvent exactement face au même problème ? Lui, c'est Kenan Malik, écrivain et politologue anglais. Je ne pense pas que l'on puisse dire que la société britannique fonctionne mieux que la société française, ou l'inverse. Je crois que les deux sociétés présentent des problèmes sociaux profondément ancrés dans ces sociétés. On peut dire que d'un côté, vous avez l'indifférence, et de l'autre, vous avez la peur. That sense of clash and conflict is what people fear. Ce sentiment d'affrontement, de conflit, c'est ce que les gens ressentent. Et il y a deux côtés de la chose. D'un côté, vous avez, disons, les souverainistes qui disent que ma culture est battue en brèche par les immigrants, ma ville devient Kingston, devient Lahore, multipliée par mille. And on the other side are multiculturalists. Et puis de l'autre côté, vous avez les multiculturalistes qui vous disent, d'un certain côté, évidemment, accueillent, chérissent la diversité, mais ils ne veulent pas de tension entre les groupes, donc ils veulent maîtriser, polisser un petit peu ces groupes et les garder au chaud dans les boîtes dans lesquelles ils les ont enfermés, réduire les conflits au minimum. En, disons, polissant, en fliquant un petit peu ce que disent les gens au sujet des autres. Mais ces deux approches posent problème parce que finalement, cela crée des sociétés tribales et fragmentées. Ouzbek, dans cette société tribale, les nouveaux immigrés sont ceux venus d'Europe de l'Est. Et ce sont eux qui attirent les foudres des anti-multiculturalistes. Je suis d'origine polonaise. Je vis en Angleterre depuis 17 ans maintenant. Au départ, j'étais venue pour des vacances. Et puis, je suis tombée amoureuse du pays. J'ai décidé de rester et de travailler en Angleterre. C'est ce que j'ai fait. Pendant le référendum, j'étais en vacances en Pologne. Quand on a découvert qu'on a perdu et que l'Angleterre allait sortir de l'Union européenne. C'était très choquant pour tous les Polonais. Personne ne s'attendait à un vote aussi massif pour le Brexit. Et on s'est tous demandé ce qui allait se passer. J'ai vécu un incident quand je travaillais à la station de bus. Une adolescente m'a dit « Toi, la Polonaise, rentre chez toi ». Je lui ai dit « Moi, je suis chez moi. Si ça ne te plaît pas, tu peux déménager. » Parce que j'ai vécu en Angleterre depuis si longtemps que maintenant, c'est mon pays. Je suis allée porter plainte à la police et elle est passée au tribunal. Je pense qu'elle a plaidé coupable. Elle a reçu une sorte d'injonction. for her, but that was one incident in probably in 17 years. Depuis 17 ans que je suis là, c'est le seul incident qui me soit arrivé. J'ai peut-être eu trois personnes au total qui m'ont dit que je devais rentrer chez moi. Je ne vais pas te mentir, Ouzbek. Même si les immigrés d'Europe de l'Est sont particulièrement visés par les agressions racistes, toi aussi, avec ton look, tu risques d'en faire les frais, particulièrement depuis le vote Brexit. Il faut dire qu'en ce moment, de nombreux réfugiés syriens, afghans, irakiens, qui ont tous le teint basané comme toi, arrivent massivement vers l'Europe, tous avec l'espoir d'atterrir au Royaume-Uni. Drinking of alcohol is not permitted anywhere on this bus station. Anyone seen drinking alcohol will be asked to stop. If anyone refuses, they will be asked to leave the bus station. I vote to remain. Moi, j'ai voté pour rester dans l'Union européenne. J'ai été effondrée quand j'ai appris les résultats. From a town like Warsaw, à Warsaw, vraiment l'enjeu, ça a été l'immigration, l'enjeu de ce vote. J'entends les gens, ils disent tout cela. Et c'est pour ça que c'était tellement déprimant. Ils se sont dit, on va remettre en place nos frontières, et comme ça, on va pouvoir contrôler qui entre dans le pays. Dans notre jeunesse, on a grandi à Spark Hill. Il y a 30 ans de cela, tous les jeunes grandissaient dans ce milieu multiculturel. C'était extraordinaire comme enfance à tous les égards pour tous ces gens qui faisaient partie de la communauté. Et nous avons vécu ce multiculturalisme et on l'a aimé. Et je ne comprends pas ce qui se passe dans la tête des gens, tout à coup. Le racisme depuis le Brexit augmente, il a toujours été là, mais là on dirait que vraiment il a beaucoup beaucoup progressé depuis le Brexit, comme si c'était la suprématie blanche qui était de retour, les blancs ont récupéré leur pays et celui qui n'est pas conforme à ce moule, il n'est plus le bienvenu s'il n'est pas le bon Britannique blanc. C'est vraiment déprimant. Les gens ont toujours un racisme présent au fond d'eux. Ils se disent, j'ai plus besoin de me taire, je peux dire ce que je veux. Ça, je l'ai remarqué. Maintenant, les gens le disent. Oui, c'est vindicatif. Aujourd'hui, on a le mandat pour agir. On a voté pour quitter l'Union européenne. On fait ce qu'on veut maintenant. C'est le sentiment qu'ont les gens. Well, that's my job because I work on the bus station. Et je le vois, moi, au travail. Je travaille à la gare routière. Je m'occupe donc des passagers. Je gère un peu les choses. Et ça fait plusieurs fois que j'ai dû dire aux gens, mais arrêtez. On n'est pas obligé de dire ça. On n'est pas obligé de parler comme ça. Veuillez quitter la gare routière. Parce que moi, je ne veux pas entendre ça. Et puis les autres ne veulent pas entendre ça non plus. Alors quand je dis ça aux gens, généralement, ils s'en vont. Il ne faut pas oublier. Il y a de tout, tous les horizons et tous les profils dans une gare routière. Alors c'est très intéressant, mais c'est assez déprimant aussi. Push the boat onto the sand. Push the boat onto the sand. Good morning. Parlement européen. Good morning. Juin 2016. Thank you very much for that. Very warm welcome. How things have changed. Isn't it funny? You know, when I came here 17 years ago, and I said that I wanted to lead a campaign to get Britain to leave the European Union, you all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you? Propagandiste de l'Union européenne, soi-disant à gauche, au centre ou à droite, allez. Rangez vos mines boudeuses, rangez vos discours de rageux et réjouissez-vous au contraire de la libération des peuples. Mmh. Qu'en penses-tu, Ouzbek? Serait-ce d'autres blancs, riches eux, qui font croire aux pauvres qu'il faut voter pour eux parce qu'ils représentent leurs intérêts? En France, c'est les petits blancs. En Angleterre, les chavs. Aux États-Unis, c'est les rednecks. Il y a toujours des expressions en fait qui apparaissent pour désigner, en gros, les populations d'origine locale, quoi, qui semblent pas issues de l'immigration. Alors rien qu'à leur morphotype, en fait, alors que objectivement, ils en sont souvent issus, parce que le monde ouvrier, il s'est déplacé au gré du développement du capitalisme, et il est peu de souche, en fait, quand on regarde. Ces termes-là, ils visent à désigner des populations qui sont décrites comme fermées au changement, fermées à la nouveauté du monde, peu tolérantes envers les minorités, fermées au multiculturalisme, par exemple. Et ça serait associé et explicable, grande partie, par leur manque d'éducation, le fait que ce soit des populations peu diplômées, qui n'ont jamais rien vu d'autre. Ça, c'est un discours que moi, j'entends beaucoup sur le public, justement, sur lequel j'enquête. C'est de dire, ah ben, tu dois en entendre des belles parce que c'est des gros beaufs. Vu depuis Paris, un ouvrier rural, c'est souvent un gros beauf. Et à quoi ça tient? Avant tout, ça tient au fait que, en fait, déjà, on le connaît peu. C'est-à-dire, celui qu'on va être amené à critiquer comme fermé, etc., c'est souvent parce qu'on n'est jamais allé lui parler. Et en plus, c'est parce qu'il a un style de vie, une manière d'être, qui aujourd'hui sont très peu valorisés. Ça serait mieux d'aller au musée que d'aller jouer au foot le dimanche. We think now that France... Aujourd'hui, on se dit que la France et la Grande-Bretagne étaient autrefois homogènes sur le plan ethnique, racial, et qu'aujourd'hui, il y avait une diversité ethnique. Mais en fait, si on remonte au 19e siècle, aussi bien en France qu'en Grande-Bretagne, on voit que ce n'était pas ainsi que les Anglais ou les Français voyaient leur société. Ils estimaient qu'il y avait une division raciale, mais... La division raciale ne concernait pas les Blancs contre les Africains, mais plutôt la classe ouvrière ou les populations rurales contre les citadins. En Grande-Bretagne, les intellectuels estimaient que la classe ouvrière était racialement inférieure. Alors quand je dis racialement, c'est un peu difficile à comprendre, parce que de quelle race s'agit-il? Mais en fait, les intellectuels du 19e siècle et la classe politique et les décideurs estimaient que la classe ouvrière était différente, au même titre qu'aujourd'hui on estimerait que les Indo-Pakistanais ou les Africains sont différents physiquement, c'est-à-dire qu'on pouvait reconnaître un ouvrier à la forme de son crâne, à la forme de son visage, ou que sais-je. Et on estimait qu'ils étaient inférieurs, qu'ils étaient dégénérés. De même, les populations pauvres des régions rurales étaient également considérées comme inférieures. Donc, cette notion selon laquelle l'Europe était homogène et devenue plurielle, c'est une forme d'amnésie historique. Il y a toujours eu cette pluralité, cette diversité. Il y a toujours eu des divisions ethniques, raciales, culturelles. Alors, il y a toutes sortes de façons de regarder, de considérer la diversité, toutes sortes de formes de division, mais on a réduit cela à une division, finalement, entre, disons, entre guillemets, une culture européenne et une culture non-européenne, comme si c'était la seule distinction possible, en créant deux entité homogène, la culture européenne et la culture non européenne. C'est comme si les deux blocs ne pouvaient pas avoir de lien l'un avec l'autre. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est que les migrants sont tout aussi divers que les sociétés européennes. Ils ont la même diversité. Il n'y a pas un point de vue, un ensemble de valeurs qui soit celui des migrants, et on pourrait même dire que des réfugiés syriens, dont nombreux se sont battus pour arriver à une meilleure société en Syrie, pour apporter la démocratie, la liberté dans leur pays, sont bien plus proches de ce qu'on pourrait appeler les idéaux européens que ceux qui votent FN ou UKIP. À ton époque, Ouzbek, tes récits et d'autres qui ont suivi ont contribué à construire un idéal d'une société plus juste, plus égalitaire, plus libre. C'est étrange de voir autant de gens détourner cet idéal. de Paris le 7 de la lune de Maharam, 1713. Le roi de France est vieux. Nous n'avons point d'exemple dans nos histoires d'un monarque qui ait si longtemps régné. On dit qu'il possède à un très haut degré le talent de se faire obéir. Il gouverne avec le même génie sa famille, sa cour, son état. Il est magnifique, surtout dans ses bâtiments. Il y a plus de statues dans les jardins de son palais que de citoyens dans une grande ville. Sa garde est aussi forte que celle du prince devant qui les trônes se renversent. Cher Ouzbek, je t'ai embarqué dans une Europe où tout semble évoquer la fin d'une longue période. Au bout d'un mois, après avoir traversé des villes comme celle-ci, je suis arrivé à l'ouest de Londres, Chiswick, et j'avais l'impression de vivre le film Le Magicien d'Oz. Vous voyez, je quitte un monde en noir et blanc pour arriver dans un monde en technicolor. Partout des cafés avec des gens plus élégants les uns que les autres qui boivent du cappuccino l'après-midi. Pas de prêteurs à gages. Au contraire, dans les magasins, on vend des meubles de valeur. Tout le monde est en pleine santé. J'arrive au centre de Londres, et alors là, vous avez la garde royale et toutes ces statues des héros de guerre qui ont bâti l'Empire britannique, de la richesse partout. C'était comme si je sortais d'un rêve, d'un cauchemar plutôt, et que c'était un mirage. Est-ce que c'est le même pays ? J'avais vraiment pas l'impression que c'était le même pays. Notre nation est tellement clivée aujourd'hui en 2016, et je crois que le vote du 23 juin reflète cela. C'était un vote contre Londres et le Sud-Est, mais aussi contre Bruxelles. C'était un vote contre toutes ces personnes si riches, dont la vie est si formidable, en contraste des vicissitudes des habitants de Walsall, par exemple. Un véritable cri de protestation, un cri enragé, poussé dans les oreilles des responsables politiques de la part des laissés pour compte. De Paris, le premier de la lune de Zilkadé, 1720. La France, à la mort du feu roi, était encore accablée de mille maux. Tout ceci produit souvent des choses bizarres. Les laquais qui avaient fait fortune sous le règne passé vantent aujourd'hui leur naissance. Cher Ouzbek, ils rendent pendant tes voyages, le roi de France est mort. Tout le mépris qu'on avait pour eux. Et tous les Français, et même les Européens, se sont demandé ce qui allait se passer. Quel désordre dans l'État. Personne ne pouvait imaginer que quelques décennies plus tard, il y aurait la Révolution. Je te promets que ceux-ci prendront bien leur revanche sur ceux qui viendront après, et que dans 30 ans, ces gens de qualité feront bien du bruit. I personally think the nature of capitalism, late capitalism we have at the moment. Personnellement, je pense que le capitalisme tel que nous le vivons aujourd'hui ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus pour la majorité. On ne peut pas garder l'espoir. Moi, je crois que ce dont on a besoin le plus, c'est du sens. Nous devons créer du sens. La société doit donner un sens à notre vie. Nous devons nous sentir comme faisant partie d'une communauté. Et les gens n'ont pas ce sentiment. Quel est le sens de la vie ? Les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de bâtir. Quel est le récit ? Quelle est l'histoire de Walsall ? Le cuir, le charbon, la sidérurgie dans le passé. Mais maintenant, quelle est la vie de Walsall ? Cher Ouzbek, à Walsall, on sent en effet que c'est la fin d'un monde. Mais je n'ai pas envie de penser à l'apocalypse. Je me tourne à nouveau vers tes récits. En fait, tu n'as jamais cessé de chercher un idéal de liberté et de progrès, alors même que tu étais pris par tes pulsions despotiques. Je ne suis pas persane, je ne suis pas imaginaire et je n'ai pas de harem. Mais je continuerai, comme toi, à chercher une route. Pendant le séjour que je fais en Europe, je lis les historiens anciens et modernes. À bientôt, cher Ouzbek. Je compare tous les temps. J'ai du plaisir à les voir passer, pour ainsi dire, devant moi. Et j'arrête surtout mon esprit à ces grands changements qui ont rendu les âges si différents des âges, et la terre si peu semblable à elle-même. Mais l'être persane, le multiculturalisme a sombré dans la Tamise. Une émission d'Ilana Navarro, réalisée par Annabelle Brouard, avec la collaboration du docteur Samuel Everett du Wolf Institute de l'Université de Cambridge. Prise de son, Nicolas Mathias. Mixage, Guillaume Ledu. Lecture des lettres, Pierre Beau. Avec Mike Carter, Benoît Coquart, Kenan Malik et Sou, David, Nassim de Walsall. Merci à Sean Coughlin et Iris Misquet. Musulmans, juifs, hindouistes ou chrétiens, chômeurs ou pleins aux as, LSD, la série documentaire, c'est tout pour cette semaine. Pour choisir entre multiculturalisme et intégration, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster pour la Haute-Marne ou nous réécouter à Walsall, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et Twitter. Et la semaine prochaine, nous irons voir comment l'architecture a modelé nos paysages. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.